Alors, comme vous en avez été avisé par un message sur l'UV, la première partie de la séance de ce soir est consacrée à vos questions sur le rapport de mi-parcours. Donc l'objectif, c'est que, bon, on a reçu certaines questions individuelles adressées à Cassandre, à moi ou à d'autres, ou à Sylvie ou à Marc. Ce qu'on veut, c'est être certaine que tout le monde a la même information et surtout faire en sorte peut-être de nuancer un peu et de clarifier certaines choses et certaines attentes, notamment à l'égard de ce travail, qui, je crois, suscite beaucoup d'inquiétudes et de stress et que peut-être vous voyez un peu trop plus gros que ce qu'on attend. Donc, l'objectif étant de répondre aux questions que vous posez ici, dans ce lieu, et d'y répondre en même temps. Je voulais juste faire un retour un peu sur le contexte et en fait j'ai un petit peu fait la synthèse dans des types de questions qu'on avait reçues. Juste pour vous remettre dans le contexte, le rapport, ce qu'on appelait le rapport de mi-parcours, donc le travail que vous avez à remettre le 27 mars dans ce cours-ci, c'est un travail donc, qui s'inscrit dans le cours de méthode de recherche en information et communication, le COMB410, qui concerne ce cours-ci, qui est corrigé par l'équipe enseignante du cours, qui n'est pas corrigé par votre promoteur ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ce sont les consignes que nous vous donnons, que vous devez respecter. Et c'est un travail, par contre, que nous avons conçu de façon à ce qu'il comporte des éléments sur lesquels vous avez déjà commencé à travailler pour votre fiche de proposition de mémoire et des éléments sur lesquels, de toute façon, vous devez travailler aussi en parallèle pour rédiger votre TPM, donc votre travail préparatoire aux mémoires. Il y a une différence à faire entre les deux, c'est que le TPM, lui, il relève et il est corrigé uniquement par votre promoteur. Ce n'est pas nous, dans le cours, qui nous vous demandons de nous remettre le TPM, donc ce n'est pas nous non plus qui vous donnons les consignes spécifiques concernant le TPM. Pour le TPM, vous avez des consignes qui figurent dans le vademécum ou le memento de chaque filière. Et quand vous avez des questions, c'est votre promoteur qui va, en fonction de votre sujet, en fonction de ce qu'il juge prioritaire, vous dire, ben moi, voilà, il est une dizaine de pages, mais j'aimerais plutôt que tu en fasses 8 et 2 sur tes hypothèses, etc. Donc, autrement dit, vous avez d'un côté le travail ici, dans le cadre du cours de méthode de recherche, qui comporte certaines parties qui ressemblent à ce que vous avez à faire dans le TPM, mais dans le TPM, c'est un travail beaucoup plus long que vous avez à faire et qui relève vraiment de votre promoteur. Ce n'est pas nous non plus qui corrigeons le TPM. Donc, quand vous avez des questions aussi concernant le TPM, faites bien la distinction entre les deux. Et selon donc, votre sujet, selon votre filière, vos promoteurs peuvent avoir des consignes légèrement différentes. Donc, vous ne pouvez pas non plus vous fier à ce que j'ai un ami qui m'a dit que, etc. Il faut que vous vérifiez par vous-même, directement donc dans le document du vademécum et aussi auprès de votre promoteur si vous avez des doutes. J'ai noté plusieurs choses comme ça que je pense essentielles pour clarifier un petit peu la situation. Ce qu'il faut aussi, c'est vous remettre dans le contexte du cours de méthode de recherche, qui est un cours qui est essentiel et incontournable dans le cadre d'une formation de master, en général, quelle que soit la discipline que l'on suit dans une université, et qui est un cours dans lequel on vous forme à la recherche scientifique, mais à la recherche aussi que vous aurez peut-être à faire dans vos milieux professionnels, sondages, réunions de groupe, etc., etc. Dans tous les cas, c'est un cours dans lequel vous développez, comme on l'a vu au tout début du quadrimestre, des compétences d'analyse critique et également un questionnement de type scientifique, donc dans lequel on vous apprend du vocabulaire scientifique, etc. etc. Donc, Le CONC est là pour vous aider à faire votre TPM, à faire votre mémoire, etc., en fait, dans votre cheminement du master, mais il déborde juste du TPM et du mémoire. D'accord ? Donc, d'où le fait que, oui, on vous fait faire, par exemple, des entretiens, on vous fait faire de l'analyse de contenu, parce que dans la recherche scientifique, il existe toutes sortes de méthodes, et que dans le cadre d'un cours universitaire, c'est bien d'en voir au moins 3-4 différentes, même si ce ne sont pas, même si vous n'allez pas toutes utiliser dans votre mémoire. C'est un cours qui est beaucoup plus transversal que ça. Ceci étant dit, donc ça c'est un peu le contexte général, cette première partie de séance, elle est donc consacrée à vos questions. Alors j'aimerais, et on vous avait un petit peu suggéré aussi d'en préparer certaines pour ce soir. Donc, qu'est-ce que quelqu'un veut commencer? Quelles sont les questions que vous vous posez ou qui ne sont pas claires par rapport à ce travail? Oui. Moi j'ai deux questions. Alors la première question, sachant qu'on peut parfois faire des interviews, des interviews dans certains cas peuvent être faites à distance, est-ce que certaines d'entre elles peuvent être faites par mail ou pas? Non, on veut vraiment que vous observiez l'interaction. Et de façon idéale, les entretiens par Skype, ça reste vraiment exceptionnel si vous n'avez vraiment pas le choix. Mais sinon, c'est vraiment la situation d'interaction que l'on veut que vous observiez. Donc la voix, etc. Des choses que vous ne pourrez pas observer par écrit, okay. Pas dans le cadre de cet exercice. Et alors, la deuxième question, par rapport au travail, il y avait une question, définissez le contour de votre cadre théorique, oui. dans les consignes. Est-ce que vous pouvez peut-être déplacer... Alors, donc la question étant sur les contours du cadre théorique... Donc, ici vous avez quelques éléments, mais si ça n'éclaircit toujours pas, vous reposez des questions plus précises. Ce qu'on vous demande dans le cadre du travail, c'est que, à partir de la question de recherche que vous vous posez, qui est la question de recherche étant la conclusion au fait de votre problématique, c'est je m'intéresse à tel problème, etc. Et donc, pour m'intéresser à tel problème, je vais poser telle question principale de recherche. Par rapport à cette question-là, quels sont les concepts, donc c'est-à-dire les mots-clés en fait, qui sont impliqués dans votre question de recherche? Et donc, quelles sont les théories, quels sont les travaux scientifiques, quels sont les auteurs, quelles sont les définitions qui existent sur ces concepts-là, sur ces mots-clés qui sont inclus dans votre question de recherche? Par exemple, si vous travaillez sur la question de la performance, ou du spectacle, etc. Comment il y a différents courants qui caractérisent cela, comment est-ce qu'on définit, etc., etc. Et on parle des contours du cas théorique parce que, en fait, dans le TPM, vous allez le faire de façon beaucoup plus développée. Ici, on vous demande à environ 2 pages maximum à ce sujet-là. En fait, ce qu'on vous dit, c'est quels sont les travaux, les documents, les auteurs, les théories qui existent et que vous jugez les plus pertinents par rapport à votre question à vous. Quels sont ceux qui sont peut-être un peu dépassés? Quels sont ceux qui sont valides, peut-être très adaptés au contexte états-unien mais pas au contexte belge? Quels sont ceux qui sont dépassés, qui se contredisent, etc. Donc c'est un peu de faire une sorte de hiérarchie un peu de ce que vous avez trouvé. Et une fois encore, chaque sujet implique, et chaque question de recherche peut impliquer des volumes de littérature différents. Il y a des gens qui vont avoir un nombre, si vous travaillez sur l'idée par exemple d'influence ou le concept de liberté, vous avez la chance d'avoir un nombre d'auteurs assez incalculable et énormément de théories parmi lesquelles choisir. Si vous travaillez sur des concepts beaucoup plus récents, à ce moment-là, vous allez avoir peut-être moins de matériel. Mais ce n'est pas une compétition à qui va trouver le plus d'auteurs pour cette partie-là. C'est vraiment qu'est-ce qui est le plus pertinent et le plus cohérent par rapport à votre sujet. Oui. Quand on a beaucoup de concepts à résumer en 2 pages, est-ce qu'on peut en choisir certains d'autres ou... Beaucoup, ça veut dire combien par exemple? Au moins 5 concepts différents. 5. 5 concepts différents, ça fait un peu beaucoup. Ça peut que vous ayez peut-être à essayer de penser à une hiérarchie entre les concepts. Ça veut dire qu'a priori, pour le cadre du travail, ce sera mieux de dire mes concepts vraiment principaux, centraux dans votre question de recherche, ce sont ces 2 ou 3-là. Et à l'intérieur, comme tout périphérique ou qui éclairerait en complément, il y a ces deux ou trois autres. Mais mettez plus l'accent sur ceux qui sont vraiment prioritaires. Et ça, on justifie dans le premier point que vous demandez, qui est les déficits problématiques. Oui. Donc vous pouvez justement, à partir de la définition de la problématique, mettre l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs types de questions qu'on peut se poser, mais vous privilégiez la question sur telle dimension, et donc bah, forcément c'est cette dimension-là, ce concept-là que vous allez traiter en priorité en fait dans votre catégorie. D'accord ? Oui ? Oui, en fait, ce qu'on appelle... Revue de la littérature, état de l'art, c'est synonyme. D'accord ? Et cadre théorique, en fait, c'est un moment, une partie d'un mémoire ou d'une recherche scientifique en général, dans lequel on utilise l'état de l'art ou la revue de la littérature pour appuyer, définir les concepts qu'on a repérés, qu'on a identifiés comme étant nos concepts principaux. Mais effectivement, en fait, ça revient à faire ce travail de, ben voilà, j'ai cherché ce qui existe, ce qui m'intéresse le plus, ce qui se contredit, et donc ce dont je vais traiter avec plus ou moins d'ampleur. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce que les interviews sont faites dans une langue étrangère ? On les retranscrit en quelle langue ? Alors, pour cette question-là, pour le but de l'exercice, on vous demande de retranscrire en français, hein, je pense. En tout cas, que ou anglais. Oui, c'est peut-être un peu court de vous demander ça, mais en tout cas, que les extraits utilisés. Les extraits que vous utilisez, les fragments d'entretien pour illustrer votre démarche, soient de traduire en français. Et pour le verbatim, il pourrait faire un. Si c'est en polonais, par exemple, est-ce que. Mais je ne pourrais pas comprendre. Que les fragments dont vous servez dans l'analyse soient en français. Donc ça veut dire dans la partie déroulement de l'entretien, vous avez une première partie, comment ça s'est passé, comment vous avez géré les choses, et une deuxième partie sur quelles sont les techniques que vous avez utilisées ou pas. Si vous citez des moments où vous dites par exemple, ben, à tel moment j'ai posé une question sur tel thème, la personne en fait s'est contredite ou quoi, et que vous citez un moment, ben, on va vous demander de le citer, donc traduit en français. D'accord. Et en fait, utiliser des bouts de vos entretiens pour dire elle a utilisé en fait tout le temps ce mot-là au lieu du terme que j'attendais, qui était, je sais pas, le terme manipulation, propagande, je ne sais pas. La personne, l'interviewée, a utilisé autre chose. À ce moment-là, vous citez aussi vos extraits de verbatim, ça renforce votre argumentaire. Toujours par rapport à la langue, par exemple, votre transcrire du coup l'entretien, c'est quand même en français ou en anglais ? Pour retranscrire, pardon ? L'entretien. Si c'est. Ben, c'est... En fait, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que. Pour les analyses, mais c'est pour ça, pour. Oui, pour retranscrire, donc ils peuvent le faire dans la langue originelle utilisée pour l'entretien, et après ça, dans l'analyse. Par contre, vous traduisez les fragments qui vous sont utiles pour argumenter en français. Oui. Et si, comme vous dites, on utilise un terme particulier et que vous pouvez même le mettre en anglais ou pas ? Genre le terme particulier qu'on va utiliser pour dire qu'on attendait plutôt ce terme-là, puisque avoir une traduction totalement 100% la même en français. À quel terme vous faites allusion, par exemple ? Je ne sais pas, mais s'il y a un terme qui nous a particulièrement marqué en anglais et que la traduction en français n'est pas totalement adéquate par rapport à la connotation. À ce moment-là, vous le mettez entre guillemets. Mais là, quand je disais faut traduire, c'est faut traduire une phrase entière ou deux, en fait, pas juste. Si c'est un mot-clé, une expression vraiment idiomatique, en fait. D'un pays, d'une région ou quoi, à ce moment-là, vous pouvez le nommer et alors essayer par contre de lui donner la traduction en français pour lui donner le sens, si c'est quelque chose de spécifique. Oui. Quand vous parlez de définir la problématique, ouais. Vous voulez qu'on fasse le contexte de la problématique ? Vous voulez qu'on définisse réellement la, enfin, notamment la problématique ? En fait, ce qu'on attend dans le cas du travail, c'est plutôt de définir la problématique. Mais dans la problématique, il y a forcément un peu de contexte aussi. Mais je veux dire, les mots-clés, enfin, on peut définir les mots-clés, mais on le fera aussi dans les concepts par la suite. Mais dans la problématique, vous n'avez pas à définir vos mots-clés. Donc, pas de définition directe. Ben, ça dépend. En fait, quel est votre quel est votre sujet, par exemple? Le branding de la Commission européenne dans le cadre du Brexit. Ok, donc le branding de la Commission européenne dans le cadre du Brexit. Et donc, dans la... enfin, moi, pour la première question, je vois ça comme expliquer comment j'arrive à la problématique. Mm-hmm. Et après, dans l'état de l'art, là, je définis les concepts de branding, de... Donc, c'est juste un contexte, la première question. Pris comme ça, la problématique, oui, c'est le contexte de l'enjeu de communication. C'est l'enjeu de communication et son concept, et son contexte. Vous avez, si vous retournez dans les diapositives du premier cours sur la problématique, vous avez une liste d'éléments attendu dans la problématique, dans lesquels il y a quels sont les acteurs qui sont concernés, dans quel environnement ils évoluent, etc., etc. Qui fait en sorte que, par exemple, vous allez parler du branding de la Commission européenne et non de certaines autres institutions, que ça va être dans le cadre du Brexit après, avant, pendant la campagne, donc vous allez définir une certaine période, etc., etc. Donc, effectivement, ce sont des éléments qu'on peut appeler de contexte, mais en fait, c'est ça qui va dire sur quoi vous travaillez. Donc, vous pouvez aller, pour valider que vous n'ayez rien oublié dans la problématique, vraiment dans les diapos du premier cours, intitulé « La problématique ». Même chose pour le cas théorique. D'accord ? Et nous, ce qu'on vous a mis entre parenthèses, c'est aussi qu'il fallait parler, donc ça doit être conclu par votre question de recherche principale, par des questions spécifiques qui sont de façon un peu plus précise, peut-être quels sont les éléments particuliers qui vous intéressent, est-ce que c'est le branding sur les médias sociaux, ou est-ce que c'est auprès des partenaires, des États membres, etc. Et alors après ça, c'est parler aussi de la pertinence scientifique et sociale. Oui. Alors, ce n'est pas des questionnaires, c'est des guides d'entretien. Les guides d'entretien, on vous demande d'en faire un commun au départ, qui est vraiment, à partir de votre question de recherche, quels sont les thèmes que vous allez aborder et sur quoi vous voulez, est-ce que vous voulez entendre parler la personne de sa pratique de tel sport ou ses habitudes de consommation, etc. depuis tant de temps. Par contre, si vous allez interviewer deux personnes qui ont deux statuts très différents, peut-être que vous devez anticiper justement des formulations différentes ou des sous-sections qui vont être spécifiques à la personne. Et là, vous pouvez indiquer dans votre guide général d'entretien, par exemple, pour l'interviewer un qui est directeur de tel service, vous allez poser la question sous tel angle. Pour l'interviewer deux qui est client, vous allez la poser la question sous tel angle. Donc, quand je prends mon cas, j'interviewe deux doctorants, mais sur deux concepts clés de mon mémoire. Oui. Donc, j'aborde la même approche, mais pas les mêmes sujets. C'est-à-dire que vous abordez un concept différent avec chaque doctorant? Oui. Ben, en fait, c'est que... Mais c'est lié, enfin. Donc vous avez une thématique générale et après ça, vous avez choisi pour chaque personne que vous interviewez des aspects différents. J'ai deux thèmes. Hein. Le premier doctorant que j'ai déjà interviewé, c'était sur les lobbies et l'autre, c'est sur CETA. Parce que c'est pertinent pour mon travail. Et le deuxième n'a aucun rapport avec les lobbies. Non, sur le CETA. Ok. Donnez-moi deux minutes, on va revenir à la question. Mais parce qu'on avait initialement répondu déjà à cette question-là et on avait dit qu'il fallait que ce soit un seul questionnaire la semaine passée. Donc autant le guide général, et après ça il peut être spécifié pour les deux interviewés, autant faire deux guides en fait complètement différents il faudrait voir comment, enfin, quel est votre guide général en fait. Pour voir est-ce qu'il y a vraiment juste certaines questions qui sont spécifiques. Parce que sinon, en fait, vous n'allez pas pouvoir comparer vos deux entretiens. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là d'avoir choisi vraiment des interviewés très différents, qui sont complémentaires par rapport à votre sujet, mais qui sont vraiment différents? Ok. Bon, alors, à ce moment-là, la solution serait que vous donnez vos deux guides d'entretien spécifiques et vous comparez par contre les situations d'entretien entre points communs et différences, mais en tant que situation d'entretien. Donc il y a d'un côté ce que vous allez avoir ramassé comme information qui est différente d'un moment à l'autre, mais par contre la situation d'entretien, vous devez la comparer un peu entre les deux aussi. Il faut qu'il y ait une comparaison pour dire ben, dans le premier entretien, il y avait une situation de silence, je l'ai laissé courir, je l'ai utilisé pour voir si la personne avait quelque chose à rajouter. Dans le deuxième cas, par contre, j'ai essayé de le faire aussi, ça n'a pas marché, etc. Donc il faut quand même qu'il y ait une comparaison entre les deux, d'accord, sur le fait que c'est un exercice d'entretien, au-delà des questions que vous avez posées. Mais il faut quand même que vous nous disiez comment vous avez introduit le thème général de votre recherche auprès de ces deux interviewés. Parce que c'est peut-être deux angles différents, mais il doit y avoir un questionnement commun au départ. Vraiment au niveau de l'attitude et de comment j'ai abordé la question avec les interviewés. Oui. Oui. Est-ce que c'est un extrait en fait de assez court, et après ça, je dis comment vous vivez ça, ou à quoi ça vous fait penser, etc. Sylvie, est-ce que toi, par rapport à ça peut, parce que ça se fait en entretien, c'est des choses qu'on fait, de confronter un interviewé à du matériel pour voir vraiment en face à face comment il réagit. Donc il faut que vous, par contre, que vous justifiez l'utilisation précise de ce bout-là, et est-ce que dans vos deux entretiens vous allez utiliser ça ou pas? En fait, dans l'un c'est une gymnaste olympique. Oui. Donc là c'est la personne qui réalise la performance. Et dans le deuxième c'est la personne qui expérimente. Ce serait la gymnastique actrice. Le problème c'est que le terme c'est gymnastique artistique. Oui. Oui. Sa réaction, vraiment. Ok. Mais dans ce cas-là, si vous le justifiez comme vous venez de le faire, alors ça peut servir d'un dispositif utilisé dans l'entretien. Mais ça, ça veut dire que faut détailler, mettez-le à profit et détailler en fait cette expérience-là, quelles ont été les réactions de la personne pendant qu'elle regardait. Est-ce que, enfin, de quoi elle a parlé spontanément, qu'est-ce que vous avez été chercher et tout. Si vous utilisez des dispositifs spécifiques justement de diffusion, de vous trouver, aller dans un lieu particulier, etc. Dites-le, ça fait partie des plus aussi de pourquoi vous avez choisi tel lieu plutôt qu'un autre, etc., etc. Pas oublier que c'est vraiment des entretiens exploratoires, donc est-ce que c'est vraiment indispensable de mettre en œuvre tout ce dispositif? Ça introduit beaucoup de complexité dans votre travail. Si vous pensez que c'est incontournable, ok, justifiez-le, mais ne vous... Voilà, ça reste une enquête exploratoire, hein, donc c'est peut-être pas indispensable de passer par toute cette construction méthodologique un peu fine. Oui. Il y a un truc qui me perturbe, ce que vous avez dit. Le cadre général de l'entretien, ce sera l'écriture de plateau. Ouais. J'aurais deux acteurs différents d'écriture de plateau. Donc, d'emblée, il me semble que je ne leur poserai pas les mêmes questions. Mm-hmm. J'aurais un dramaturge d'un côté, de l'autre côté, j'aurais un metteur en scène. Mm-hmm. Donc, c'est deux postes différents. Mais est-ce que votre objectif de recherche, c'est de voir quels sont les acteurs qui participent à l'écriture de plateau, et qui en font, ou est-ce que c'est de voir comment ça évolue? C'est quoi votre question de recherche? La question de recherche, c'est de voir comment se fait l'écriture de plateau de manière générale. Enfin, c'est pas ma question de recherche, mais c'est l'idée du processus créatif. Quoi. D'accord. Donc il y a des points communs entre les deux. Qui sont que chacun a une casquette différente, va jouer peut-être des rôles différents, mais pour vous, l'intérêt, c'est j'imagine d'aller voir quelles sont justement les différences et peut-être les points communs sur la façon d'écrire, sur la gestion de la chronologie, sur peut-être les indications qu'on leur donne ou pas, sur avec qui ils travaillent en équipe, qui les relie, etc. Oui. Et par contre, après ça, ça veut dire que s'il y a des spécificités, alors rappelez-vous, l'entretien, c'est un outil qui est souple. Donc quand vous êtes en entretien avec quelqu'un, vous pouvez ajuster certaines questions, donc ajouter certaines questions que vous n'avez pas prévues, ou rebondir, faire éclaircir des choses qui ne sont pas claires, les différences que vous observez entre les deux, par exemple, ça peut être intéressant. Mais vous pouvez partir d'une base commune sur qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que l'écriture de plateau, et après ça, justement, explorer la conception que eux en ont et la pratique qu'ils en font, en fait. Et alors, vous pouvez comparer les deux. D'accord ? Oui. Moi, je reprends une question. En fait, je voulais savoir si, parce qu'on a parlé du formulaire de consentement, est-ce qu'on doit en faire signer un ? Pas pour ce travail-là. Pour le travail dans le cadre du cours, en fait, toute la partie sur l'éthique que je vous avais présentée dans le cours, c'est vraiment quand vous réaliserez votre mémoire de façon systématique, etc. Et si vous faites de la recherche professionnelle ou pour une organisation. Ici, dans le cadre du cours, on ne vous demande pas en fait, d'aller aussi loin parce que ça prend beaucoup d'étapes et beaucoup de temps. C'est sûr que par contre, faites attention si vous abordez des sujets qui sont sensibles ou que vous avez interviewé des mineurs, etc. Ça, ce sont vraiment des situations particulières. Donc là-dessus, vous pouvez peut-être vérifier auprès de nous s'il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour le reste des entretiens, on vous demandera de faire ces démarches-là pour le cours. Parce que c'est dans le cadre d'un cours universitaire. Que donc il n'y a pas de publication par après, ça reste confidentiel, etc. Et ça, c'est important de le préciser à vos interviewés, ce caractère confidentiel. Et donc c'est la même chose pour l'enregistrement, on leur demande juste s'ils sont d'accord, mais on n'a pas besoin d'avoir une preuve écrite. Oui, on n'a pas besoin de preuve écrite, mais par contre, il faut effectivement bien demander l'accord de la personne avant d'appuyer sur play, sur record. Et ma deuxième question, en fait, moi, depuis que j'ai rendu ma fiche de mémoire, j'ai modifié ma question de recherche. D'accord. Et j'en ai parlé à mon promoteur qui a dit que c'était OK. Mais donc, dans mon rapport, est-ce que je dois préciser que... Enfin, je dois mettre ma nouvelle question de recherche, mais est-ce que je dois préciser que j'ai changé et pourquoi ? Non, non, non. Non, non, vous mettez... Dans le travail, en fait, pour le cours, vous mettez ce qui vous intéresse en ce moment. Et puis nous, on ne juge pas de la validité ou de la qualité de votre projet au-delà du cours. D'accord ? C'est vraiment juste en vue de la réalisation d'exercices de deux entretiens et de l'utilisation de ce qu'on a vu en cours, que ben, dans une problématique, il faut mettre des éléments de contexte, des messieurs, ou bon, la pertinence, etc. Dans le cas théorique, on veut certaines choses. D'accord. D'accord ? Et justement, quand on parle de ça, est-ce qu'à plus long terme, oui. Pour le TPM, enfin, est-ce que je dois considérer que c'est un changement de sujet ou pas ? Je rends une nouvelle fiche de mémoire ? Alors là, comme c'est le TPM, et que le TPM, ça ne fait pas partie du cours, c'est-à-dire, c'est pas juste quand je dis ça ne fait pas partie du cours, c'est pas je ne vais pas m'en occuper parce que ça ne fait pas partie du cours, c'est concrètement, ça relève de la filière. Donc c'est eux qui connaissent les procédures administratives pour ça. Okay. Donc en fait, nous, deux, on n'a pas de contrôle là-dessus, et de deux, on n'est pas informés non plus, en fait, de ces données-là. Donc c'est vraiment avec eux et vos promoteurs que vous devez vérifier ces données-là, pour être sûr que vous avez la bonne information. Donc, et c'est important d'aller vérifier auprès des secrétariats, de la direction de filière, etc., les informations aussi, plutôt que vous fier à des informations informelles, qui parfois peuvent aider, mais qui parfois ne sont pas exactes non plus. Oui. C'est pas tellement une question, c'est plus une remarque. Enfin, je vois très bien l'intérêt de ce type d'enquête dans certains sujets, mais moi personnellement, par rapport à ce que je fais, je trouve que c'est contre-productif de vouloir chercher des réponses à des questions qu'on n'a pas clairement définies dans le cours. Mais c'est quoi votre sujet ? En fait, je fais sur l'implantation de grandes marques muséales en Wallonie-Bruxelles. D'accord. Et personnellement, je trouvais ça un peu mettre la charrue avant les bœufs. Mais, ok, d'accord. Alors, ce n'est pas. C'est des entretiens de nature exploratoire. On ne vous demande pas de réaliser votre mémoire maintenant. C'est un exercice de méthodologie qu'on vous demande. Très bien, c'est juste pour rendre des interviews et avoir des points. Enfin, moi, je veux bien le faire, mais c'est pas ça qui va pour progresser dans mon, dans l'avancement de mon travail. Mais vous êtes. C'est dans le cadre du cours, c'est dans un cours de méthodologie, on vous demande de maîtriser les méthodologies quand vous allez faire l'analyse de contenu, dans quelques semaines. Ça fait partie, je suis désolée, ça fait partie du bagage universitaire, en fait, au master, que de voir différentes méthodologies et comment elles fonctionnent. Ici, on vous en fait tester deux. En plus que, franchement, par rapport à votre sujet, moi, à mon avis, il y a moins bien que vous retiriez des choses, mais... Est-ce qu'on n'aura pas le choix de choisir, justement, une méthodologie qui soit plus adaptée et qui puisse... lui permettre d'avancer dans ce qu'on fait et pas faire un truc juste pour... Alors, on vous demande quand même, pour revenir à la réalité du travail, on vous demande de faire deux entretiens de 30 à 60 minutes. Okay. Au total, ça veut dire pas énormément de temps passé à faire ça. Et c'est exploratoire, d'accord. Ça veut dire que, par exemple, le concept d'implantation... de grandes marques muséales, d'essayer de voir quelles sont les grandes marques qui, par exemple, qui sont présentes dans la mémoire des gens spontanément, dans l'imaginaire collectif, etc. C'est pas hors de votre sujet. Rien ne vous empêche, et de toute façon, c'est une exigence par rapport au cours. On vous a proposé, est-ce que c'est possible de ne pas parler en même temps, en fait ? Merci. Ou si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et les adresser après. Les consignes que vous avez données, c'est d'utiliser votre sujet de mémoire pour ne pas vous faire travailler sur quelque chose qui ne vous intéressait pas du tout. Mais ce n'est pas une obligation de travailler sur votre sujet de mémoire, vous pourriez travailler sur autre chose si vous vouliez. D'accord ? Mais ce qu'on vous demande, ces deux entretiens-là, ces deux entretiens courts, pour que vous ayez au moins une fois dans votre parcours universitaire, fait des entretiens. Vous allez faire des analyses de contenu, vous allez faire également le questionnaire ce samedi. Donc vous allez voir d'autres techniques aussi, qui sont peut-être celles que vous allez utiliser. Mais ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait au moins vu une fois ces éléments-là qui sont fondamentaux, en fait, dans la recherche scientifique. Parce qu'on n'est pas juste un cours qui accompagne chacun pour réaliser son mémoire, c'est aussi un cours où vous devez ressortir en connaissant, en fait, les différents types de méthodes qui existent. Je comprends votre préoccupation de productivité, mais c'est pas à voir. En fait, c'est là où vous devez pas vous fixer des objectifs inatteignables pour ce cours-ci. C'est pour ça que quand Sylvie soulignait, c'est des entretiens exploratoires, etc., vous ne compliquez pas la vie. On n'attend pas de vous que vous nous donniez des résultats de recherche. Donc on n'attend pas non plus de vous que vous analysiez, par exemple, quelqu'un qui travaille sur la couverture médiatique de Donald Trump, on sait bien qu'il ne va pas aller interviewer Donald Trump, ni son chef de campagne. Quelqu'un qui travaille sur Netflix, il ne va pas aller analyser, interviewer le Big Boss de Netflix, mais par contre, il peut interviewer deux personnes qu'il connaît, qui regardent, l'une peut regarder Netflix, et l'autre ne la regarde peut-être pas, et c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi. Donc, réduisez aussi un peu l'ampleur de l'exercice et le temps que vous y passez par rapport à la sélection des interviewés aussi. Ça veut dire si vous avez dans votre entourage deux personnes qui, justement, fréquentent les musées ou pas, entrer en contact avec ces personnes-là, vous ne compliquez pas la vie à essayer d'aller voir dans la haute hiérarchie, en fait. Enfin, si c'est le cas, tant mieux, mais... Oui. Est-ce qu'on a trois travaux à rendre ? Je ne sais pas. Là, on est en train de parler du travail que vous avez à rendre ici, qui est le rapport de mi-parcours. Mais par rapport aux autres méthodes, il n'y aura pas d'autres travaux par rapport aux autres méthodes ? Non, c'est des ateliers qui sont... Non. Ce que je veux dire, c'est que vous allez expérimenter, en fait. C'est plusieurs méthodes. L'entretien, vous l'expérimentez là. Et les trois autres méthodes, vous allez les expérimenter lors des ateliers. Mais vous n'avez pas de travail en plus à faire. Non, là, c'est pas du tout ça. D'accord. Et par rapport au contenu des entretiens, Oui. En fait, vous avez juste travaillé vraiment la manière dont on l'a fait, pas vraiment le contenu, quoi. Oui, c'est plus la manière dont vous l'avez mené par rapport. La manière dont vous l'avez mené par rapport à vos objectifs, à votre question de recherche, mais surtout par rapport à ce qu'on a vu en cours. Donc, est-ce que vous avez fait des reformulations, des relances À quel moment ça devenait, à quel moment ça devenait intéressant pour vous, à quel moment ça devenait redondant et donc il commençait à y avoir une saturation en fait des données et que ça voulait dire que vous pouviez arrêter l'entretien parce que vous n'alliez pas avoir plus de matériel que ça. Mais c'est vraiment, c'est pas un exercice de vous faites un bon ou un mauvais début de travail de mémoire ou vous avez fait une bonne ou une mauvaise entrevue. C'est par rapport à ce que vous avez appris ici de ce qu'est une entrevue dans une recherche scientifique, qu'est-ce que vous avez pu observer par vous-même. Tout comme dans les ateliers sur les autres méthodes, vous allez aussi être amené à expérimenter ces méthodes-là et à voir en fait quelles sont les difficultés, comment vous les contournez, en quoi ça peut vous être utile ou pas par rapport à vos recherches. Oui. Oui, c'est parce que nous on est en master au journalisme et oui. Le mémoire c'est très pratique, c'est souvent oui. Des reportages et des entretiens on fait toute l'année dans les exercices, donc je ne comprends pas bien comment on l'applique à notre mémoire parce que des entretiens on en fait tous les jours. Mais parce que ce que vous faites c'est des entretiens journalistiques, oui. Ça c'est un entretien de recherche. Dans l'entretien de recherche vous partez du concept et vous partez de questions ouvertes. On l'a vu en fait, dans lesquelles vous devez cibler certaines dimensions. Donc c'est un autre type d'entretien. C'est sûr que la pratique de l'entretien journalistique, ça risque de vous aider au niveau aussi de la prise de contact, etc., etc. Mais il faut voir justement que c'est un type différent. Et dans vos cas en journalisme, ce qui est intéressant dans ce que vous allez faire dans la partie compte-rendu, c'est justement de voir quelles étaient les différences. Par exemple, les silences. Généralement, quand on est dans un entretien journalistique, ce n'est pas ce après quoi on court. Enfin, au contraire, on essaye de rebondir, de faire en sorte que le temps qu'on passe avec un interviewé, il répond à nos questions. Ici, en fait, on veut observer le comportement de l'interviewé, ses croyances, etc. Donc, c'est un peu différent quand même. Et par rapport au fait que vous faites des mémoires d'application, une fois de plus, c'est un entretien qui est exploratoire. C'est-à-dire que on vous demande par exemple à ce moment-là d'interviewer quelqu'un sur la pratique que lui-même fait, comment il s'y prendrait pour faire telle chose, etc. Donc c'est de tourner autour de votre sujet pour ramasser des informations qui ont un lien avec votre sujet. Oui. Du coup, toujours dans la question de l'interview, en utilisant que des questions ouvertes, c'est pas la même chose que de mener une interview journalistique. Il y a certains codes qui vont être un peu les mêmes, parce que vous êtes dans une situation d'interaction face à face, mais c'est pas les mêmes objectifs, c'est on s'y prend pas de la même façon. Vous pouvez même aller interviewer des chercheurs et des journalistes pour comparer les deux, et des journalistes qui ont fait de la recherche et des chercheurs qui font des journalistes, mais c'est pas pareil. Par rapport à l'entretien, si la description du non verbal est pauvre, c'est pas grave, parce que je vous avoue que par rapport aux deux interviews que je compte faire, je vais avoir le président de l'ICF et le président de l'EMCC, qui sont des experts de la communication non verbale, donc de PNL et tout le tralala. Donc je pense pas que je vais pouvoir, on va dire, déceler déjà, beaucoup de choses. En fait, faut pas non plus présupposer trop à l'avance. Et après, c'est sûr que s'il reste plutôt stoïque et qu'il maîtrise très bien les choses, ça fait partie de vos remarques. Okay. S'il y a des signes qui montrent qu'il maîtrise très bien, est-ce que c'est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire ou pas? Mais on ne vous demande pas de faire toute une interprétation du non-verbal spécifiquement. Okay. C'est du plus. Mais après, ce selon les interviewés que vous avez en face de vous, c'est sûr que ce que vous allez obtenir va changer de toute façon. Donc à ce moment-là, ça va être de montrer qu'est-ce qui est différent d'être une personne à l'autre. Non, j'ai juste une question parce que justement dans les ateliers qu'on va voir, on en a un sur l'entretien. C'est un autre type d'entretien en fait qu'on va voir. En fait, non. La séance que vous avez sur l'entretien à la fin, c'est un retour sur en fait l'expérience d'entretien que vous avez vécue. Oui, c'est ce que vous avez fait. Donc c'est plus un bilan en fait sur l'exercice que vous aurez fait. Okay. Oui. Concernant les séances du samedi. Non, pour les séances du samedi, l'objectif c'est au contraire que vous expérimentiez la méthode sur place. Donc ce qu'on vous demande, ce soir on va faire une partie sur qui explique les principes du questionnaire un petit peu, etc. Mais quand vous allez arriver pour la demi-journée de samedi, on va vous donner en fait des consignes. Vous allez travailler en groupe sur un exercice dans lequel vous allez construire un questionnaire. Même chose sur l'analyse de contenu, vous aurez aussi un exercice où vous expérimentez en fait ensemble les spécificités de cette méthode, quelles sont les difficultés, comment on peut les contourner, etc. Donc vous n'avez pas à faire, à réaliser un travail avant d'arriver. Oui. Question pratique, en fait, sur Jeune, il est mis 14h et sur le cours sur UV, il est mis 13h30. Quelle heure? C'est 13h30 en fait, il y a d'abord un auditoire commun et ensuite vous serez mis en sous-groupe. Ah ok. C'est comme ça, mais ça commence bien à 13h30 ou à 9h30. Donc peut-être que ce sera bien de mettre un message en visée pour être sûr qu'il y a de la confusion par rapport à Géol. Une petite précision peut-être par rapport à Géol pour les horaires, etc. Fiez-vous plutôt à ce que nous, on vous dit. Et s'il y a des changements sur Géol, on vous l'indiquera. D'accord. Mais c'est le plan du cours et ce que nous, on poste dans l'UV qui est l'information officielle pour ce cours. Oui. J'ai un petit peu du mal à comprendre comment dans le français, la gestuelle et la forme de tout, qu'est-ce qu'on avait dans la reconstruction, donc à la fin d'entretien, en fonction de ce qu'on s'en parle, est-ce qu'on utilise la gestuelle en plus dans la méthode? En fait, c'est un peu les deux si c'est pertinent, parce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose donc à dire, mais... Dans la retranscription des entretiens, quand vous mettez, vous posez telle question, donc vous notez votre question, vous notez la réponse de la personne. À un moment donné, la personne, elle s'interrompt et elle se frotte le nez, elle regarde dans l'air, elle cherche ses mots, elle se racle la gorge. Mais là, vous l'écrivez entre parenthèses. Donc dans sa réponse, vous écrivez raclement de gorge, moment de silence, rire, étouffé, etc. Donc ça, c'est des éléments du non-verbal. Que vous devez noter. Et du coup, ça veut dire que c'est peut-être des signes de malaise ou d'hésitation, etc. Et si vous observez ça, vous allez peut-être ajuster, donc poser une autre question, ou dire à la personne, ça a l'air de vous mettre mal à l'aise, peut-être cette question-là, pourquoi, etc. Donc à ce moment-là, dans l'analyse, vous dites qu'est-ce que vous avez fait face à ces moments-là. Ça ne veut pas dire que dans l'entretien, vous devez systématiquement, en fait, pister la personne et être en adaptation permanente à tout, mais les fois où vous avez tout réagi, vous avez été conscient que vous êtes adapté à ça, vous pouvez le signaler dans l'entretien, parce que ça veut dire que vous avez utilisé une stratégie de utilisation du silence, du mal-être, etc. Oui. Les didascalies ou ce qui se fait tout à fait. Oui, ça ressemble à ça, effectivement. Il y a d'autres questions, j'imagine. Oui. Là d'abord, peut-être juste pour la pertinence des personnes qu'on va interroger. Oui. Par exemple, moi je suis sur le cinéma. Oui. Je peux interroger quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue et demander ce qu'il pense de mon enfin, oui. D'accord. C'est pertinent parce que pertinent, ça fait un peu peur quand on dit pertinent. Et moi je me voyais déjà aller. En fait, ce que ici, dans le cadre de l'exercice, la pertinence vient un peu à rebours, c'est-à-dire que quand vous commencez à interviewer la personne, vous voyez un peu plus si vous ne la connaissez pas à l'avance et qu'elle n'a pas répondu à certains critères, parce que bon, voilà, c'est une inconnue. là, vous allez voir, par exemple, est-ce que la personne, c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup le cinéma ou peut-être pas du tout. Et alors là, quand vous justifiez la pertinence, vous dites, bah, j'ai continué à mener l'entretien avec elle parce que, justement, c'était un élément original et potentiellement contradictoire avec mes intuitions, etc. D'accord ? Donc, en fonction des interviewés auxquels vous avez pu avoir accès, parce que ce qu'on vous demande, c'est des choses que ce soit faisable, donc vous ajustez les personnes que vous pouvez interviewer par rapport au temps dont vous disposez, à ce moment-là, vous nous dites en quoi c'était intéressant, en fait. Oh, voilà, ce que ça vous apporte. Oui. Généralement, dans les travaux, c'est plutôt un article 1 et 2, comme dans le mémoire, en fait, les mêmes consignes. Pardon ? Mais en fait, je dirais, c'est un peu l'espace qu'on vous a marqué dans le document type, c'est pour donner un ordre d'idée, mais c'est pas... voilà, si vous ne faites pas les deux pages complètes, ou si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout coté à la ligne, quoi. Non, s'il y en a un qui prononce ça, non, c'est vraiment pas. S'il manque deux ou trois lignes, on ne vous enlève pas 0,1 par ligne. C'est vraiment. Ou 3 points par ligne. C'est vraiment un ordre de grandeur. Oui. Alors, vous pouvez, mais ce serait mieux. Ce serait peut-être plus intéressant d'interviewer un collègue à lui que votre promoteur directement, qui connaît déjà votre sujet et qui va vous dire en gros ce qu'il pense qui est pertinent par rapport à votre recherche à vous. Donc c'est mieux d'aller vers un autre prof et de demander à la limite plutôt à votre promoteur qui il vous conseille. C'est pour ça que c'est exploratoire, c'est quelque chose qui est en lien avec votre sujet, mais sans forcément être pile votre sujet à ce moment-là, pas que ce soit trop restrictif. Mais demandez conseil quand même à votre promoteur ou votre promotrice pour voir si lui n'aurait pas quelqu'un à vous conseiller directement. Mais pensez en termes de faisabilité en fait. Oui, le lecteur, mais mettre le promoteur, c'est pas que c'est pas bon du tout, c'est juste que ça va forcément biaiser les réponses, parce qu'après tout, c'est quelqu'un qui a déjà eu des rendez-vous avec vous, donc qui est déjà dans un dialogue en fait sur vos concepts, etc. Et des amis ont pris des interrogations. Oui. Et en fait, vous pouvez interroger votre colloque, votre mère, etc. Il faut que vous identifiez par rapport à la situation d'entretien dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui peut vous influencer, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça influence les réponses de la personne. Donc quels sont les biais en fait. Ça fait partie de ce que vous devez décrire. En fait, c'est pas maintenant qu'il faut commencer les entretiens. Donc, ces spécificités de je connaissais la personne et elle s'attendait à ce que ce qui m'intéresse ce soit ça, parce qu'elle avait compris que vous travailliez sur tel sujet. Elle voulait absolument vous parler de ça. Au bout d'un moment, vous lui dites, mais non, mais moi, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'entendre de parler d'autre chose. Ça, c'est un biais, parce qu'en fait, la personne partait avec des a priori de ce que vous vouliez entendre. Donc, tout ça, vous avez à le signaler aussi à nous. Enfin, voilà, les relations de proximité, etc., qui fait qu'à un moment donné, il y a plus de complicité, que ça éviter un moment de malaise, ou ça, vous le mentionnez aussi dans le déroulement, parce que ça fait partie des choses que vous avez à gérer. Parce que les chercheurs, de manière générale, parfois, ont interviewé des gens, effectivement, qu'ils connaissent, qu'ils ont rencontrés dans un autre contexte, etc. Ça fait partie de l'expérience. Oui. Est-ce est-ce qu'on peut interviewer des personnes qui, par exemple, sont, ont un profil totalement contraire à ce qu'on recherche pour notre mémoire? Oui. Okay. Oui. En fait, trouver des profils qui sont complètement opposés. Par exemple, quelqu'un qui travaillait sur le théâtre, et vous prenez quelqu'un qui ne va jamais au théâtre, il déteste ça, parce qu'il trouve que c'est trop cher, que ça ne sert à rien, etc. Ça peut aussi faire partie d'un entretien exploratoire intéressant, parce que ça vous permet de voir quels sont les mots-clés qu'ils utilisent et quels sont les stéréotypes qu'ils portent. Et rappelez-vous, l'entretien, ça permet justement d'aller chercher des représentations, des croyances, des stéréotypes, tout ce qui est de cet ordre-là, et aussi tout ce qui est de l'ordre de la mémoire et de l'imaginaire collectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le format, les objectifs, les attentes? Je vais mettre en ligne de toute façon les diapos qu'on a rédigées à partir des différentes questions qu'on avait reçues. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser par écrit. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à vos filières, par rapport à votre sujet, vous êtes bloqué, etc., je ne voyais pas comment essayer de mettre à profit l'exercice, vous pouvez également nous contacter plus directement. Et sinon, donc, je vous conseille de lire les diapositives qui sont mises en complément. Mais c'est ça. Pensez bien qu'on sait que vous n'avez pas commencé votre mémoire, donc on ne s'attend pas à ce que vous rédigiez, à ce que vous donniez des résultats de recherche ou quoi que ce soit maintenant. Alors, on va prendre une petite pause tout de suite avant de passer au questionnaire.